En Espagne se dit en Espagne. En s'écrit E-N. En, hein, comme en français. Mais on le prononce en. Et dans Espagne, on a le même son, ñ, que dans le mot français Espagne. Mais en espagnol, ce son ñ ne s'écrit pas G-N, mais N avec ce qu'on appelle un tilde. Hein? C'est un petit S couché au-dessus du N, comme une petite vague. Donc, Espagne s'écrit E-S-P-A-N avec un tilde A. Donc, en Espagne, en Espagne et en France se dit en Francia. Alors, en Argentine sera En Argentina. Argentine. Hein, on retrouve le son R comme un raclement de gorge. Argentine. Et on doit bien entendre le N. Argen. Argentina. Argentina. Attention, il faut insister sur le T de Argentina. En Argentina. Comment dira-t-on ? Quelle impression avez-vous de la situation politique et économique en Espagne ? Quelle impression avez-vous ? Que impression ? Bien. Avez-vous ? Tiene. Tiene de la situation ? De la situation. Politique et économique ? Politica y economica. En Espagne. En Espagne. En Espagne. Voilà, c'est ça. Que impresión tiene de la situación política y económica en España?